Trop de fois on a parlé sur mon dos. Trop de fois je me suis défoncé au péto. Trop de fois mes parents voulaient m'aider. Trop de fois j'ai refusé par fierté. Trop de fois à l'école j'ai réfoie. Trop de cuites, trop de scratch, j'ai mal au foie. Trop de fois j'essaie de me rappeler de mon enfance. Trop de fois ma mémoire flanche à cause ma dépendance. Trop de fois on m'a dit t'es pas tes fûts. Trop de fois on m'a dit t'es trop têtu. Trop de fois où je boycotte les études. Trop de fois à cause de l'alcool ouais j't'étube. Trop de fois où je serai là pour les frères. Trop de fois où j'ai rêvé d'être milliardaire. Trop de fois où dans mes textes j'suis sincère. Trop de fois où je me suis battu pour ma mère. Trop c'est trop, trop de fois j'ai fumé trop pédo. Gros c'est chaud, on est hal pendant que les pros s'échauffent. Pendant que les faux s'échappent, nous on défonce les chapes. La smala c'est authentique, au fond tu sais que c'est ça. Trop c'est trop, trop de fois j'ai fumé trop pédo. Gros c'est chaud, on est hal pendant que les pros s'échauffent. Pendant que les faux s'échappent, nous on défonce les chapes. La smala c'est authentique, au fond tu sais que c'est trop ça. Trop de fois j'ai perdu P, à force d'acheter, de fumer. Au final, je me rends compte que je perds du blé. J'ai percuté, si t'es pas clean dans ta tête pédée, tu finiras par te faire du P. Pour se faire entendre, les frères ne cessent d'hurler. Ici le suspense, on aime le faire durer. Trop de fois je les entends murmurer. Mais j'ai toujours été vrai, ça je peux le jurer. Trop de fois on est sous, on est sourd, on est fou. Le cannabis on est pour. Trop de fois de l'intérieur on est pourri. Trop de fois où j'ai pleuré au mieux de sourire. Trop de fois où j'ai fait le pitre. J'ai fait chier des types, rien à foutre, j'ai évité les flics. Trop de fois où j'ai niqué des filles qui voulaient du fric et t'es deg à faire sucer ma bite. Trop c'est trop, trop de fois j'ai fumé trop pédo. Gros c'est chaud, on est hal pendant que les pros s'échauffent. Pendant que les faux s'échappent, nous on défonce les chapes. La smala c'est authentique, au fond tu sais que c'est ça. Trop c'est trop, trop de fois j'ai fumé trop pédo. Gros c'est chaud, on est hal pendant que les pros s'échauffent. Pendant que les faux s'échappent, nous on défonce les chapes. La smala c'est authentique, au fond tu sais que c'est ça. Frère, c'est pas trop de fois j'ai foutu la merde. Trop de fois je m'en rappelais plus après. Dans ma tête c'est Budapest, APX. Faire du rap ça en vaut plus la peine. Trop de fois ça part en perte. Trop de fois moi je pars en perse. Faut que je décompresse des fois. C'est à dire soit tous les soirs. Trop de fois le rap me déçoit. Trop de fois la merde se propage. J'écoute pas quand les pros parlent. Trop de fois la smala fait boum comme le propane. Trop de fois j'avais de l'encre partout sur les mains. Les stibars et les flics, pour moi tout ça c'est les mêmes. Trop de fois j'ai mauvaise mine et mauvaise haleine. Si je vois un frère déprime, faut que je le mette à l'aise. Trop de fois je me suis dit la vie ne tient qu'à un fil. Que le temps passe trop vite, mais va dire ça un infirme miskin. Je veux pas tasser, j'ai un fils, let's kiff. Au final, tout ça, je m'en fiche. Trop c'est trop, trop de fois j'ai fumé trop pédo. Gros c'est chaud, on est hal pendant que les pros s'échauffent. Pendant que les faux s'échappent, nous on défonce les chapes. La smala c'est authentique, au fond tu sais que c'est ça. Trop c'est trop, trop de fois j'ai fumé trop pédo. Gros c'est chaud, on est hal pendant que les pros s'échauffent. Pendant que les faux s'échappent, nous on défonce les chapes. La smala c'est authentique, au fond tu sais que c'est ça. Gazette, Georgette, Kiri qui pète. C'est dirt, c'est d'exo crew. Check repas, check repas, check repas, check repas.